souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 6. Rue Lafitte, sur la piste d'une affaire mystérieuse. Visite chez Madame Manet. Mes expositions de Cézanne et de Van Gogh. Chez mes confrères. La peinture rue Lafitte. L'hôtel de la Reine Hortense. La fin de la rue Lafitte. En 1893, j'abandonnais la rue des Apennins pour m'installer rue Lafitte. Je pris une petite boutique au numéro 39. Un peu plus tard, j'allais au 41. Mes débuts, comme on sait, avaient été très durs. Et ce n'était pas pour m'être mise en boutique que ma situation se trouvait améliorée. Un soir, au moment où j'allais fermer mon magasin, un de mes clients entra et, sans préambule, « J'arrive de chez un petit marchand dont je ne vous dirai pas le nom. Il m'a dit de revenir dans une huitaine. Il a déniché tout un lot de dessins d'un peintre dont les œuvres, depuis sa mort, sont de plus en plus appréciées. « Pas d'autres détails ?» demandai-je. « Non, aucun, sinon que tous ces dessins sont dans un endroit où personne n'aurait l'idée d'aller les chercher. « C'est vraiment tout ce que vous savez ?» Il m'a dit aussi, « C'est, mettons, Dupont, qui sera bien surpris, lui qui est toujours à la recherche des œuvres du peintre en question. Et puis, ces jeunes qui parlent tout le temps de dessins synthétiques, ça leur embouchera un coin. » « Voilà qui ferait joliment bien mon affaire, » pensais-je. « Oui, mais d'abord, qui pouvait bien être ce Dupont ?» En rentrant chez moi, ce soir-là, je ne pensais qu'à cela. La lune était dans son plein. Je ne sais pourquoi, elle me fit évoquer l'idée d'une citrouille en perpétuelle rotation. À ce moment, je croisai Marcel Samba, sans le voir. Il m'aborda. « Vous semblez bien absorbé, » fit-il. « Oui et non, » lui répondis-je. « En tout cas, pouvez-vous m'expliquer pourquoi le nom de Dupont a pu me faire penser à une citrouille qui tourne sur elle-même ?»« Parbleu, » s'écria-t-il, « c'est une réminiscence du dialogue de Dupont et Durand, d'Alfred de Musset. » Et le globe rasé, sans barbe ni cheveux, comme un grand potiron, roulera dans les cieux. Je retins un cri. J'étais dans la bonne voie. Ce Dupont devait être Durand Ruel, le grand marchand de tableaux. Le peintre dont il recherchait les œuvres et qui était mort devait être Manet. Le hasard fit que je passais près d'une poubelle dans laquelle fouillait un chiffonnier. Celui-ci chassa d'un coup de pied un chien qui le gênait et grogna « Sale cabot !» Ce mot de cabot me rappela une conversation que j'avais eue avec un peintre qui était venu m'offrir un album de lithographie représentant des acteurs et intitulé « Cabot ». « Avouez que c'est bien de la synthèse, ces dessins-là » m'avait-il déclaré. « Je sors de chez le père Noisy, je les lui ai montrés. Naturellement, il n'y a rien compris. » Moi, je comprenais. Ce petit marchand dont mon client m'avait parlé et qui se moquait de ces termes de synthèse que les jeunes peintres avaient toujours à la bouche, c'était le père Noisy. Il me restait à découvrir le gîte et à l'y devancer. Je me rendis donc chez le vieux renard pour tâcher de le faire parler. Je le trouvai en grande conversation avec un client. Tout de suite, je compris qu'il s'agissait des mystérieux dessins. « Un peu de patience, » disait le père Noisy. « Je ferai la rafle prochainement. Pas de crainte à avoir. Personne n'aura l'idée d'aller chercher là. Seulement, je vais avoir affaire à une femme. Et avec les femmes, il faut savoir attendre. » Je me dis que cette femme pouvait bien être la veuve de l'artiste. Sans tarder, j'allai chez Madame Manet, où je trouvai en effet tout un ensemble de croquis du maître. Je sus, plus tard, qu'ils avaient déjà été offerts un peu partout, mais vainement, car à cette époque, on méprisait les esquisses. Je pus acquérir le lot des deniers. J'en fis une petite exposition qui obtint un vif succès auprès des artistes. Au cours de cette exposition, je reçus la visite d'un personnage qui regarda longuement les dessins de Manet, puis me dit « Monsieur, je suis critique d'art à l'événement. Mon directeur, Monsieur Edmond Magnier, s'intéresse beaucoup aux artistes. Si Monsieur Manet lui faisait hommage d'une de ses œuvres, le journal ne manquerait pas de rendre compte de son exposition. » Je ne lui répondis point. « S'il vous déplaît de faire cette démarche, donnez-moi l'adresse du peintre, j'ai l'habitude. »« Son adresse ? Au Père Lachaise, je crois. »« Comment ? Il est mort ? Il y a plus de 10 ans. »« Ah, c'est donc pour ça que j'ignorais son nom. »« Mais vous savez, je ne suis critique d'art que depuis 3 ans. » J'eus souvent l'occasion de revoir Madame Manet. La première fois que j'étais allée chez elle, j'avais remarqué un homme jeune et très sympathique. « Mon frère, » me dit Madame Manet en me le présentant. « Puisque vous vous intéressez aux esquisses, » continua-t-elle, « je vais mettre un peu d'ordre dans la maison et je retrouverai certainement des études que les marchands m'ont laissées. Mon frère m'aidera à chercher. » L'autre jour, il a retrouvé sur une armoire une jolie aquarelle de mon mari. J'ai pu la vendre grâce à Portier. Combien d'admirables toiles furent négligées par les amateurs chez la veuve du grand peintre. Je revis justement l'une d'elles à l'exposition triomphale de Manet à l'Orangerie. Elle était sous la surveillance spéciale d'une sorte d'infirmier pour tableau qui avait pour tâche, pendant la durée de l'exposition, de surveiller la température de la couche d'air entre la toile et la vitre qui la protégeait. Une peinture célèbre de Manet, qui ne reçut pas de tels soins, représentait l'exécution de Maximilien, réplique aussi importante que celle dont s'enorgueillit le musée de Mannheim. Le frère de Madame Manet avait jugé cette toile inférieure, parce qu'elle était moins poussée. Comme elle prenait trop de place sur le mur, cette réplique du Maximilien fut déclouée de son châssis, puis roulée et reléguée dans la remise, sous un meuble. Un jour, le frère de Madame Manet se dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à tirer de cette toile réputée invendable. Par exemple, le sergent qui charge son fusil pourrait passer, présenté tout seul, pour un sujet de genre. Le sergent fut donc découpé et vendu. Après ce prélèvement, le reste du tableau paraissait d'un placement d'autant moins facile qu'une ligne de craquelure zébrait les ventres des soldats qui épaulaient. La toile fut réintégrée sous le meuble, d'où le frère alla, encore une fois, la retirer pour me la proposer. Je me rappelle l'air attristé de Madame Manet quand ce débris fut étalé par terre. Quel malheur qu'Édouard se soit acharné là-dessus! Que de belles choses il aurait pu peindre pendant ce temps-là! Je conclus l'affaire, mais la toile une fois roulée, il me fallait la porter chez leur entoileur. Je ne pouvais songer à prendre l'omnibus avec cette espèce de tuyau de poêle entre les bras. J'allai chercher un fiacre. Une fois installé, le rouleau sur mes genoux, j'étais continuellement en éveil pour le soustraire au risque du parcours, redressant mon Maximilien comme un cierge lorsque mon fiacre menaçait d'être coincé entre deux voitures. C'est ainsi que j'arrivai, sans accident, rue Crété, à l'atelier du rentoileur Chapuis. « Mais, » s'exclama celui-ci, « est-ce que le sergent que j'ai rentoilé pour Monsieur Degas ne proviendrait pas de la toile dans laquelle a été découpé ce morceau ? On avait affirmé à M. Degas, en lui vendant le sergent, que le reste du tableau avait été détruit accidentellement. Quand je montrai à Degas cette toile, qu'il reconnut tout de suite pour celle dont on avait détaché son sergent, il en resta tout interdit et ne trouva que ces mots pour traduire son indignation. « Encore la famille ! Méfiez-vous de la famille !» Puis, s'étant ressaisi, il se mit entre moi et le tableau, et, la main appuyée dessus comme pour une prise de possession, « Vous allez me vendre ça, et vous retournerez chez Madame Manet pour lui dire que je veux les jambes du sergent, qui manquent à mon morceau, et aussi ce qui manque au vôtre. Le groupe formé par Maximilien et les généraux, dites que je paierai quelque chose. » Je me rendis chez Madame Manet. Son frère m'écouta. Il hocha la tête. « Je trouvais, dit-il, que le sergent gagnait à être présenté sans ses jambes, qui pendaient comme une loque. De même que les soldats qui épaulaient faisaient mieux sans le groupe des généraux et ce qui restait de la tête de Maximilien. Si j'avais pu penser que des bouts de toile, tout rongés par le salpêtre du mur, pouvaient encore avoir de la valeur, je ne m'en serais pas servi pour allumer le feu. » Je me contentai de dire à Degas que les parties manquantes de la toile avaient été détruites par l'humidité du mur. Mais lui, de nouveau, « Voyez, volard, comme il faut se méfier de la famille !» Et, en guise de protestation, il fit coller sur une toile de la dimension présumée du tableau primitif le sergent et le fragment de l'exécution de Maximilien qu'il m'avait acheté. Les blancs qu'il avait ménagés sur la toile indiquant les parties manquantes. « La famille, méfiez-vous de la famille !» ne cessait de répéter Degas quand il amenait des visiteurs devant cette reconstitution. Je me rappelle qu'un jour, à cette occasion, un indiscret lui ayant dit « Cependant, monsieur Degas, Manet lui-même n'a-t-il pas coupé le portrait que vous aviez fait de lui et de sa femme ?» Le peintre, vivement. « Mais qui vous permet, monsieur, de juger Manet ?»« Oui, c'est vrai. Après tout, c'est peut-être lui qui avait raison. J'ai été le dindon de cette affaire, car, furieux sur le moment, je décrochais du mur une petite nature morte que Manet m'avait donnée. « Monsieur, lui écrivis-je, je vous renvoie vos prunes. » Oh, qu'elle était jolie, cette toile. Et j'ai fait un beau coup ce jour-là. Car lorsque, réconcilié avec Manet, je lui redemandais mes prunes, eh bien, il les avait vendues. À la vente qui suivit la mort de Degas, le Maximilien fut acquis par la National Gallery de Londres, qui devait lui faire subir une nouvelle transformation. Les deux fragments qui le composaient furent enlevés de la toile où Degas les avait fait coller pour reconstituer le tableau. Et chacun des deux morceaux fut encadré à part. À cette même vente de Degas, on pouvait voir aussi, entre autres œuvres de Manet, le jambon et une Madame Manet en blanc sur un canapé bleu, ces deux pièces exceptionnelles qui, en 1894, c'est-à-dire plus de 10 ans après la mort du peintre, était encore chez sa veuve à attendre un acquéreur. Il restait aussi chez Madame Manet, à cette époque, un portrait la représentant dans une serre et un autre portrait où elle était au piano. Ce dernier a fait partie de la collection de Camondo, aujourd'hui au Louvre. Et j'en passe, de tout ce qu'on pouvait encore admirer dans le petit pavillon d'Asnières, entre autres un portrait de Manet à la palette, un autre Manet debout, une femme nue, grandeur nature. Ajoutez-y tout ce qu'on appelait, à ce moment, des esquisses, lesquelles, aujourd'hui, sont l'orgueil des musées, comme le portrait de M. Brun, grandeur nature, la Madame Manet, en rose, un chat sur ses genoux. Ces deux toiles furent également acquises à la vente de Degas par la National Gallery. Je puis encore citer une autre extraordinaire esquisse du Maximilien, avec des personnages grandeur nature, aujourd'hui au musée de Boston, et qui, pendant longtemps, demeura aussi roulé dans un coin de la remise de Madame Manet. Si cette toile eut la bonne fortune d'échapper au dépeçage, ce fut sans doute parce que les personnages avaient paru vraiment trop peu faits pour qu'il fût possible de songer à les débiter. Renoir m'avait dit devant ce Maximilien « C'est un pur Goya, et pourtant Manet n'a jamais été plus lui-même. » Je signalerai en outre, parmi les toiles qui m'avaient frappé chez Madame Manet, une esquisse du célèbre chanteur Faure, peut-être encore plus expressive que le tableau fini. Je me rappelle aussi une étude de Claude Monet, représentant Manet en train de peindre dans son jardin. J'avais voulu acquérir cette toile, mais Madame Manet m'avait répondu qu'elle n'était pas à vendre. Quelque temps après, je vis que la place occupée par le tableau était vide. Madame Manet avait suivi mon regard. « J'ai eu besoin d'argent, » me dit-elle. « Un Allemand est venu me voir. Le tableau lui a plu. Vous comprenez pourquoi j'avais refusé de vous le vendre à vous. Je n'aurais pas voulu que M. Claude Monet retrouvât son tableau à la vitrine d'un marchand. Mais comme ça allait à l'étranger. » On n'était pas encore à l'époque où une toile vendue à Paris était rachetée à Berlin, revendu à New York et revenait à Paris, tout cela dans l'espace de quelques semaines. J'allais oublier de citer l'une des pièces les plus importantes de Manet, que je vis bien longtemps chez sa veuve, le vieux musicien. Madame Manet en demandait 5 000 francs, sans pouvoir trouver acquéreur. La femme d'un conseiller général de la Seine avait jeté son dévolu sur les 2 enfants qu'on voit debout au milieu du tableau. À diverses reprises, elle avait fait, pour ce morceau, des offres d'achat que Madame Manet avait repoussées. Un peu mollement, semblait-il à l'acheteuse, car elle revenait à la charge. Un jour que j'étais présent, « Ma chère Madame Manet !» lui dit-elle, « je vous ai offert jusqu'à présent 1 500 francs. J'irai jusqu'à 2 000. Voyons, soyez raisonnable. Vous demandez 5 000 francs pour le tout, et je vous laisse au moins les 3/4 du tableau. » Et, prenant le silence de Madame Manet pour un acquiescement, elle saisit une paire de grands ciseaux qui se trouvaient sur la table. Madame Manet, quand elle vit le fer pointé contre le tableau, se leva aussi vivement que le lui permettait sa corpulence. « Non, non !» s'écria-t-elle. « Il me semble que c'est mon mari que vous allez assassiner !» Comment je connus la peinture de Cézanne ? La première fois que je vis un tableau du peintre, un bord de rivière, c'est à la vitrine d'un petit marchand de couleurs de la rue Clausel, le père Tanguy. Ce fut comme si je recevais un coup à l'estomac. En même temps que moi, 2 personnes s'étaient arrêtées devant cette toile, un bourgeois et sa femme. « Si ce n'est pas malheureux de déformer ainsi la nature, » disait l'homme au chapeau melon, « ces arbres qui ne tiennent pas debout, cette maison qui chavire et cette eau, est-ce de l'eau ou du plomb ? Quant à ce ciel, si la nature était ainsi, ce serait à vous dégoûter à tout jamais d'aller à la campagne. » À ce moment, survint un ouvrier qui portait en bandoulière son sac d'outils. « Ah ! » s'exclama-t-il, « voilà un endroit où j'aimerais m'installer pour pêcher le dimanche. » Dédaigneux, le bourgeois s'en alla. Pour moi, je déplorais que mes faibles ressources d'étudiant ne me permissent pas de me payer cette toile. Je pensais, quel agréable métier que celui de marchand de tableaux. Passer sa vie au milieu de pareilles merveilles. Aussi, dès que je fus dans le métier, mon premier projet fut de faire une exposition de tableaux de Cézanne. Mais encore fallait-il pour cela que j'entrasse en rapport avec le peintre. La tâche était particulièrement ardue, car Cézanne ne donnait jamais son adresse. On m'assura que je pourrais peut-être le trouver dans les environs de Fontainebleau. Que de courses inutiles je fis par là, dans les auberges qu'on m'avait dites particulièrement fréquentées par les artistes, jusqu'au moment où j'eus l'idée de porter mes recherches chez les marchands de couleurs de la ville. J'en avais questionné trois, toujours la même réponse. Monsieur Cézanne, inconnu. Le quatrième et dernier que j'étais allé interroger. Votre monsieur Cézanne, attendez, je vais vous expliquer. Et il m'indiqua la maison. Je m'y précipitai. Hélas, dans l'immeuble en question, j'appris que Cézanne avait récemment déménagé sans laisser sa nouvelle adresse. Devant mon air désappointé, un locataire de la maison me dit « Je vais peut-être vous aider à vous tirer d'affaire. J'ai entendu un nom de rue que M. Cézanne indiquait à l'un de ses déménageurs. C'était une rue de Paris qui porte à la fois un nom d'animal et un nom de saint. » Nanti de ce renseignement vague, mais tout de même important, je regagnai Paris. Quelques heures plus tard, dans un petit café, je consultais une nomenclature des rues de la capitale. Je ne découvris aucune rue portant un nom d'animal joint à un nom de saint. Mais tout à coup je lus « rue des lions ». Le nom de l'animal y était. Je connaissais dans le même quartier la rue des Jardins, qui était dénommée « rue des Jardins Saint-Paul » à cause de la proximité de l'église du même nom. Ceci me donnait à penser que cette rue des Lions pouvait bien s'appeler aussi rue des Lions Saint-Paul. Décidé à sonner de porte en porte, je commençai par le numéro 2, et j'eus l'heureuse surprise d'entendre cette réponse de la concierge. « Monsieur Cézanne, c'est ici. Il est absent, mais son fils est là. » Ce jeune homme me reçut le plus aimablement du monde. « Je tâcherai de décider mon père à vous confier quelques-unes de ses toiles pour votre exposition, » me dit-il quand je lui eus exposé l'objet de ma démarche. Quelque temps après, je recevais environ 150 œuvres diverses du peintre. Les toiles étaient roulées. La modicité de mes moyens d'alors me permit tout juste de les présenter au public tendues sur des baguettes à dessous le mètre. Par quelques traits, on pourra juger combien on était loin, à cette époque, de goûter la peinture du maître d'Aix. À noter, d'abord, l'indignation d'artistes qui ne se contentaient pas de crier au scandale, comme les simples badauds, mais qui, dans la croyance que cette peinture trouvait acheteurs, se considéraient comme lésés dans leurs intérêts, autant qu'atteints dans leur dignité. Je rappellerai aussi ce jugement du critique d'art du Journal des artistes qui dénonçait la cauchemardante vision de ces atrocités à l'huile dépassant aujourd'hui la mesure des fumisteries légalement permises. À la décharge des amateurs et des critiques, je dois dire que des peintres, parmi les plus grands, ne pensaient guère autrement. Ayant obtenu depuis Vie de Chavannes, pour un de mes albums de peintre-graveur, une lithographie en noir, j'avais ambitionné d'avoir encore quelque chose de lui, et, cette fois, une lithographie en couleur. « Voilà qui me séduit assez, » m'avait-il répondu. « J'irai chez vous, nous choisirons un sujet. » Il vint, en effet, quelques jours après. Il s'arrêta devant ma vitrine et regarda longuement des baigneurs de Cézanne. Puis, sans même être entré, il s'en alla en haussant les épaules. Je ne le revis plus. Je devais néanmoins recevoir quelques encouragements, et je citerai, comme le plus typique, l'achat d'une toile par un aveugle de naissance. Il m'apprit que, fils et petit-fils d'artiste, il avait le goût inné des choses d'art. Une personne l'accompagnait qui lui expliquait les tableaux. Son choix se porta sur un tableau en largeur qui représentait un bord de rivière. « L'eau, observa-t-il, doit sembler mieux s'étaler que si la toile était en hauteur. » Mais si des critiques, des amateurs, même des artistes comme Puvis de Chavannes, persistaient à ne voir dans l'œuvre de Cézanne que mystification, de plus en plus les jeunes peintres subissaient l'influence du maître d'Aix. En 1901, Maurice Denis devait, en témoignage d'admiration pour le peintre des Saintes Victoires, exécuter un de ses tableaux les plus émouvants. C'est l'hommage à Cézanne qu'on peut voir au musée du Luxembourg. Le centre de cette toile représente un compotier de fruits, copie d'un morceau célèbre de Cézanne qui appartint à Gauguin. À gauche de la composition, Sérusier, le théoricien de la bande, fait un exposé devant ses camarades. Denis, Rançon, Vuillard, Bonnard, Roussel, auxquels s'étaient joints Odilon Redon et Méleriot. Je m'honore d'y figurer moi-même. Quand Denis fit cette composition, je n'habitais plus le haut de la rue Lafitte. J'avais pris au 6, près des boulevards, une grande boutique avec entresol. Pour l'inauguration de ma nouvelle galerie, j'avais organisé une exposition de Van Gogh, la première grande exposition qu'il y eut de ses œuvres, où l'on put voir plus de 60 toiles provenant de son atelier d'Amsterdam, sans compter tout un lot de ses aquarelles et de ses dessins. Le prix des tableaux les plus importants, comme le célèbre chant de Coquelicot, n'atteignait pas 500 francs. Le public ne montra guère d'empressement. Les temps n'étaient pas encore venus. Je me souviens pourtant d'un couple qui paraissait particulièrement intéressé. Tout à coup, l'homme, prenant le bras de la femme, « Toi qui prétends toujours que ma peinture fait mal aux yeux, eh bien, qu'est-ce que tu dis de celle-là ? » La femme, à ce moment, regardait avec attention deux portraits de Van Gogh par lui-même et qui, tous deux, portait un bandeau lui cachant une oreille. « Mais pourquoi s'est-il peint comme ça ? » demanda-t-elle. « C'est après qu'il se fut enlevé l'oreille, » dis-je intervenant. Et, comme le couple me regardait, visiblement ahuri, « Eh bien, voici ce qu'on raconte. Rentrant chez lui après une après-midi passée dans la société de personnes de demi-vertu, Van Gogh ouvrit machinalement sa vieille Bible et tomba sur le passage où il est dit que si un de vos organes est une occasion de scandale, il faut le couper et le jeter au feu. » S'appliquant ce texte, Van Gogh s'arma d'un rasoir et la dame poussa un cri. Il se trancha une oreille. « Il la jeta au feu ? » demanda son compagnon. « Non, l'ayant enveloppée dans un morceau de papier, il alla la porter chez ses demoiselles. « Remettez ça à Madame Marie, » dit-il simplement à la bonne. Je me rappelle aussi un autre visiteur que je voyais revenir chaque jour vers la fin de la journée. Il commençait par jeter un coup d'œil sur la vitrine où flambaient les alicans d'Arles, puis entrait dans le magasin dont il faisait le tour. Peu à peu, il avait fini par causer. Il ne se lassait pas de me parler du chant de Coquelicot. Un jour, je ne le vis pas à l'heure habituelle. Il ne revint que la semaine suivante. « Je n'ai pas pu venir tous ces temps-ci. Ma femme a accouché d'une petite fille. Nous nous préoccupons déjà de son avenir et nous avons décidé, pour constituer une dot à l'enfant, d'acheter de ces objets qui augmenteront de valeur, des tableaux par exemple. » Je voyais déjà mon champ de Coquelicot vendu. Machinalement, mes yeux s'étaient portés sur le tableau. Mon amateur avait suivi mon regard. « Si j'avais, me dit-il, de l'argent de trop, voilà une toile qui serait déjà chez moi. Mais vous comprenez, j'ai maintenant charge d'âme. Pour nous donner un bon conseil, j'ai un cousin qui est professeur de dessin de la ville de Paris. » Il se passa quelque temps sans que je revisse mon homme, quand, un beau jour, il reparut, tenant un carton sous le bras. « Ça y est, me dit-il, il tapota le carton. La dot de la petite est là-dedans. » Et, ayant sorti une fantasia de deux tailles, Mon cousin a pu obtenir cette aquarelle pour 15 000 francs. Dans 20 ans, ça en vaudra au moins 100 000. » Je ne jugeais pas opportun de le contredire. Environ 25 ans plus tard, je vis arriver, rue de Martignac, l'homme à l'aquarelle de Detaille. « Maintenant, me dit-il mélancoliquement, le moment est venu de s'en séparer. Ma fille va se marier. » Je lui demandai s'il se souvenait de mon exposition de Van Gogh et de ce tableau des coquelicots qui paraissait tellement lui plaire. « Si je m'en souviens, heureusement que j'ai su résister. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ça aujourd'hui ?»« Eh bien, mon ami, vous en tireriez plus de 300 000 francs. » « Alors, dans ces conditions-là, mon Detaille ?»« Votre Detaille ?» Ce qu'ont déclaré son chef-d'œuvre, la bataille de Huning, le conservateur du Luxembourg l'a fait reléguer au grenier. Un jour, Renoir vit chez moi quelques fusains de Van Gogh, représentant des laboureurs au travail. « Par goût, continua Renoir, je ne suis pas très porté sur la peinture de Van Gogh, à cause de ce côté un peu exotique que je ne peux pas encaisser. Mais ces dessins de paysans, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est à côté de ça, le paysan pleurnichard de Millet ?» J'avais pour voisin un confrère, dans le petit magasin duquel je vis entrer un monsieur très élégant, qui sortit en portant plusieurs tableaux. Je me dis, plusieurs tableaux, d'un seul coup et si vite, il a de la chance, mon voisin. Mais aussi, quel beau corot il a dans sa vitrine. Et je concluai, non sans mélancolie, dommage que je ne puisse avoir, moi aussi, quelques 1830 pour attirer les riches clients. Or, l'après-midi, je vis le même gentleman revenir dans la boutique d'à côté. Mais je ne devais pas tarder à apprendre que celui que je prenais pour un amateur n'était autre que mon confrère, M. Bram, qui, jusque-là dans l'exercice de son métier de marchand de tableaux, gardait ce maintien aristocratique qui doit être un apanage de famille, puisqu'on le retrouvait dans son fils, devenu mon confrère à la mort de son père. Je me rappelle, à la vitrine de Durand-Ruel, un Renoir, une baigneuse qui soutenait son sein d'une main. Quelle merveille! Ce tableau a son histoire, que je tiens de Renoir lui-même. Un jour, à la Selle Saint-Cloud, il était entré dans un café, quand le patron l'interpellant, « Je vous reconnais bien, il y a plus de 10 ans, vous avez occupé une chambre de la maison. » Renoir se dit aussitôt qu'il avait dû laisser là une ardoise. Et après votre départ, j'ai trouvé dans votre chambre un rouleau de toile. Je l'ai mis au grenier. Puisque vous voilà, vous allez me faire le plaisir d'enlever ça. » La baigneuse soutenant son sein, la femme endormie avec le chat sur les genoux, et d'autres œuvres aussi importantes, en tout une 15aine de toiles, constituaient ce rouleau. À côté de Durand-Ruel, on pouvait voir une petite boutique très achalandée, celle de Beugnier, que la production horticole de Madame Madeleine Lemaire faisait ressembler à un étalage de fleuristes. Il y en avait pour toutes les bourses, depuis le petit bouquet de violettes ou les 3 roses dans un cristal jusqu'au grand panneau décoratif. Un client de la maison, très admirateur de l'art de Madame Lemaire, avait réalisé une idée dont il était fier. Il projetait, sur les roses, les lilas et les œillets de son artiste préféré, le parfum que ces fleurs évoquaient. Clovis Sago, dit Sago le frère, ainsi qu'on l'appelait pour le différencier de son aîné, le grand marchand de gravures, avait ouvert, à l'autre bout de la rue Lafitte, près de l'église Notre-Dame de Lorette, un petit magasin où l'on voyait, entre autres, des tableaux de Braque, alors presque inconnus. On pouvait y voir aussi des œuvres de l'époque bleue et de l'époque rose de Picasso. C'est là que les Steyn trouvèrent les si belles toiles qu'ils possèdent de ce peintre. Quand on pense que quelques années seulement avant la guerre, en 1908, une petite société, la Peau de l'Ours, dont M. André Level était l'admirateur, pouvait acquérir chez Picasso cette extraordinaire toile, famille de saltimbanques, pour le prix de 1 000 francs, somme qui avait fait reculer les amateurs d'alors. Ce même tableau, en 1914, lorsque la Peau de l'Ours se résolut à liquider ses acquisitions, faisait 11 500 francs pour, en 1931, dans une vente en Amérique, dépasser le million. Près des grands boulevards, je vois encore le magasin de Gérard, spécialisé dans les boudins, les hennères, les yèmes. Renoir me dit, un jour que je l'accompagnais dans sa promenade, « Il ne faudra pas oublier de s'arrêter devant Gérard. Il y a là une aquarelle de Jonkind. Quel magnifique ciel! Et c'est le papier tout blanc !» Plus haut, dans la rue Lafitte, il y avait Dio, chez qui on défilait tant de coraux, de daumiers, de Jonkind. Derrière la boutique, une salle à manger exiguë sans fenêtre et, à l'entresol, 3 pièces minuscules où il vivait avec sa femme et sa fille. Quelquefois, un client entrait chez lui vers le soir. « C'est l'heure de dîner maintenant, mais si ma femme ne veut pas aller au théâtre, je repasserai tout à l'heure. » Et M. Dio attendait que l'on frappât à sa devanture. Du magasin de Dio, les tableaux débordaient jusque dans une cour, où, sous une espèce de hangar, on pouvait voir des esquisses de daumiers, dédaignés à une époque où l'on s'attachait surtout au fini. Or, on sait quelle valeur marchande et quelle importance artistique a prise aujourd'hui la moindre de ces ébauches. J'ai vu là des études pour Don Quichotte, celle-ci surtout qui enchantait Renoir, un simple frottis de terre d'ombre. Et aussi cette extraordinaire étude de Jésus et Barabbas que j'avais eu un jour l'intention d'acquérir. J'avais parlé de ce projet à un peintre de mes amis. « Voyons, Volard, si Daumier vivait, il jetterait au feu cette étude ratée. » Et je fus assez naïf pour l'écouter. Un peu avant Dio était le magasin de Tempeller, en qui Fantin Latour, qui mit longtemps à percer, avait trouvé un appui. L'artiste lui en avait gardé une grande reconnaissance, et il lui demeura fidèle quand, plus tard, les marchands furent nombreux à frapper à la porte de son atelier. J'avais connu Fantin Latour lorsque j'avais publié mes albums de peintre-graveur. J'allais le voir de temps en temps. J'y rencontrais quelquefois un des conservateurs du Louvre, M. Mijon. Le peintre aimait parler musique avec lui. Je vois encore Fantin, sur une petite chaise, sa calotte sur la tête, devant son chevalet. À côté de lui, Madame Fantin, qui était elle-même une artiste estimable, se reposait de peindre en faisant de la tapisserie. Un jour que j'étais là, « Ah, mon Dieu !» s'écria Fantin. « Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. » Et, déposant sa palette, il sortit précipitamment. « Alors, Madame Fantin, c'est mon mari qui se charge d'acheter le fromage. » Fantin, à l'heure du succès, avait conservé son petit atelier de la rue Visconti, l'atelier des mauvais jours, qui était resté cher à son cœur. L'artiste, quand il quittait son quartier pour aller sur la rive droite, ne dépassait guère les grands boulevards à cause des voitures et ne traversait la chaussée que pour rendre visite à son marchand et ami Tempeller qui était installé de l'autre côté du boulevard. Degas trouvait que Fantin se faisait tort en se confinant de la sorte. « C'est très bien ce que fait Fantin. » Quel dommage que ce soit toujours un peu rive gauche. Rive gauche ou rive droite, Fantin, Degas, Renoir, tous étaient logés à la même enseigne. C'était l'atelier le matin, l'atelier l'après-midi. je me rappellerai toujours l'ahurissement d'un notoire critique d'art, Arsène Alexandre, qui, ayant dit au peintre des danseuses « J'irai vous voir à l'atelier. »« Oui, » fit Degas, le prenant par un bouton de sa jaquette, « mais à la fin de la journée, quand il fera noir. » C'est dire combien Degas supportait mal qu'on le dérangeât dans son travail. Renoir, lui, tolérait les visiteurs. Leur présence ne l'empêchait pas de continuer à peindre. Mais de là à quitter l'atelier pour prendre une distraction. Je lui disais un jour, inquiet tout à sa peinture, c'est Valta, qui habite continuellement à Antéor, où il ne vient pas un chat. Son seul délassement, c'est la chasse. « Quoi ? » fit Renoir. « Valta va à la chasse ? Il quitte l'atelier ? Si l'on avait proposé au père Corot d'aller à la chasse ?» De fait, quand, après une année de travail, Renoir prenait des vacances, que ce fût à Vargemont, chez son ami Bérard, à Essoye, le pays de sa femme, et, plus tard, à Magagnosque, à Grasse, avant de se fixer complètement à Cagnes, c'était encore l'atelier le matin, l'atelier l'après-midi, sauf que, les jours de beau temps, l'atelier, c'était la pleine campagne. Quant à Degas, pendant les rares vacances qu'il s'octroyait, il allait généralement à Saint-Valéry-sur-Somme, chez ses amis Bracaval, ou encore chez les Rouards, à la Queue-en-Brie. Il n'aimait la campagne que pour satisfaire son besoin de la marche. On le voyait arpenter les allées de la propriété, les yeux protégés par de grosses lunettes noires. Je le surpris, un jour que j'étais allé précisément le voir à la Queue-en-Brie, en train de faire un de ces paysages qui épataient le père Pissarro. Le peintre travaillait dans le salon, le dos à la fenêtre. « Monsieur Degas, quand on voit comment vous rendez la nature, qui pourrait croire que c'est en lui tournant le dos ?»« Oh, monsieur Vollard, dans le wagon, je mets de temps en temps le nez à la portière. » À cette époque, la rue Lafitte, c'était la rue des tableaux. Si on entendait quelqu'un dire « Je vais faire un tour rue Lafitte », on était sûr d'avoir affaire à un amateur de peinture. De même, quand Manet disait « Il est bon d'aller rue Lafitte », ou au contraire, lorsqu'on entendait Claude Monet dire « Pourquoi aller rue Lafitte ?», cela signifiait qu'il était nécessaire ou inutile pour un peintre de se tenir au courant de la production de ses confrères. Degas, lui, aimait, sa besogne terminée, aller rue Lafitte. Il prenait généralement à la tête de ligne l'omnibus Pigalle à Louvain, qui le déposait derrière l'église Notre-Dame de Lorette, tout près de la rue Lafitte. Un jour, j'arrivai comme Degas descendait de l'impérial de l'omnibus avec un de ses amis, le peintre Zando Meneghi. Degas tempêtait contre ses voisines de l'omnibus, deux gredines qui portaient dans leurs bras des bottes de fleurs. Mais les fleurs, dont il ne pouvait supporter le parfum, de quel œil de peintre il les voyait. Comme nous remontions la rue Lafitte, s'arrêtant devant la boutique de Templer, où était exposé un Fantin Latour, une femme avec des roses au corsage, Degas désigna la toile à Zando Meneghi. Beaucoup de talent, Fantin, mais je parierais qu'il n'a jamais vraiment regardé des fleurs au corsage d'une femme. Zando Meneghi était entré chez Durand-Ruel. Je continuai avec Degas. Arrivé devant Bernheim, où étaient exposés deux Corot et un Delacroix, dites, Vollard, que peuvent bien valoir de pareils morceaux? J'avouai mon ignorance. Eh bien, j'en aurai le cœur net. De ce pas, je vais tenter le coup. Quelques instants plus tard, ma porte s'ouvre. C'était Degas. Je n'ai pas de chance, me dit-il. Les Corot sont vendus, mais je conquérai le Delacroix. Il le conquit, en effet. Un jour, que j'étais allé le voir, à l'heure du déjeuner, Zoé, qui sortait faire une course, revint tout essoufflée. « Monsieur, c'est le Delacroix qui monte !» Et Degas se leva précipitamment, la serviette au cou, pour aller recevoir le Delacroix. Cézanne trouvait qu'un peintre pouvait gagner à regarder les toiles des autres peintres. Mais ceux qu'il appelait les autres peintres, c'étaient les vieux maîtres. Et sa rue Lafitte, à lui, c'était le Louvre. Quand il avait passé son après-midi à faire un dessin, d'après le Gréco, de la Croix ou un autre de ses préférés, avec quel orgueil il vous disait « Je crois que j'ai fait quelques progrès aujourd'hui ». C'était aussi l'envoûtement du Louvre que devait subir Renoir quand, après avoir produit des chefs-d'œuvre tels que la loge, le déjeuner des canotiers, il s'écriait, un jour qu'il sortait du musée, « Avec toutes leurs sacrées histoires de peintures nouvelles, j'aurais mis 40 ans à découvrir que la reine des couleurs, c'est le noir. Voyez Manet, s'il n'a pas perdu au contact des impressionnistes. » De même, Degas devait reprocher à Manet d'avoir abandonné son magnifique jus de pruneau pour peindre clair. Mais Degas lui-même, de la vie de Renoir, n'allait-il pas trouver son épanouissement au contact des impressionnistes, avec ces extraordinaires pastels qui font penser au chatoiement des ailes de papillons? La rue Lafitte était pour tous les jeunes peintres comme un lieu de pèlerinage. Combien de fois on y a vu Derain, Matisse, Picasso, Rouault, Vlaminck, etc. Je me rappelle la curieuse figure d'un vieil artiste, le père Méry, qui s'était spécialisé dans la peinture des oisillons, des poussins, des canetons, enfin tout le petit monde de la basse cour. On pouvait le voir planté devant une vitrine, un grand carton sous le bras, attendant patiemment que le marchand lui fît signe d'entrer. Quand il était lassé d'attendre, le peintre besogneux s'en allait, de son pas encore alerte, à la recherche d'un plus juste appréciateur de la vraie et honnête peinture. Il reprochait aux passants de marcher trop lentement sur les trottoirs. C'était encore l'heureuse époque où l'on avait le temps de flâner et où il n'était pas rare de se voir heurté par un monsieur lisant son journal. Le père Méry avait découvert un procédé de peinture à la cire, laquelle possédait ses curieuses propriétés de ne pas changer de ton et de ne sécher que si on la trempait dans l'eau. Il avait publié un petit livre où il livrait son secret. Mais, comme le dépositaire de l'ouvrage, au bout d'un an, n'en avait pas vendu un seul exemplaire, le peintre, exaspéré, détruisit tout le tirage. Le vieil artiste quittait souvent son atelier pour aller peindre au jardin d'acclimatation. Assis sur un pliant devant les volières, il s'ingéniait à prendre des croquis de bêtes capricieuses qu'il n'arrivait que difficilement à fixer, tant elles bougeaient. Oh, « Si je pouvais les tenir à l'atelier, ces sales bêtes, grommelait-il, je saurais bien les forcer à garder la pose. » Je me rappelle qu'un jour, ayant du monde à dîner, il avait acheté un poulet vivant qu'il destinait à lui servir de modèle avant de le livrer à la casserole. Mais l'animal ne faisait que remuer. De temps en temps, la fille de l'artiste entr'ouvrait la porte de l'atelier. « Dépêche-toi, papa, il n'aura jamais le temps de cuire !» D'où colère du peintre contre le volatile. « Vous voyez bien, disait-il, me prenant à témoin, cette sale bête fait exprès de remuer !» Ce n'était pas seulement parce que les bourgeois n'aimaient pas sa peinture que Méry en avait contre eux. Il n'était pas rare de voir des gens demander, devant des oiseaux sans plumes ou des poulets sans queue, « Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là ? » Or, le père Méry se flattait de peindre ses modèles avec une exactitude qui ne permettait pas de s'y méprendre. Je réussissais à l'apaiser en lui disant qu'un citadin n'a guère l'occasion d'aller dans les fermes et, par conséquent, de se familiariser avec ses modèles habituels. Un jour, dans l'atelier de l'artiste, mes yeux s'étaient portés sur une étude de paysage. Vous regardez cette toile, monsieur Vollard. Elle est toute petite. Eh bien, je ne la donnerai pas pour 50 francs, ce qui était un prix pour l'époque. Vous allez me comprendre. J'étais à Chaville en train de peindre cette étude, quand voilà qu'un vieux monsieur, qui se promenait dans la forêt, s'approche de mon chevalet et me demande la permission de regarder ce que je faisais. « C'est très joli, » me dit-il. « Je suis peintre, moi aussi. Je m'appelle Corot. » Mary étant mort, son atelier fut vendu. En passant, à quelque temps de là, devant l'étalage d'un brocanteur, je retrouvai la petite toile. Voulant l'acheter comme souvenir, j'en demandai le prix. « C'est une bonne chose, vous savez, » me dit le marchand. « Ma femme, qui s'y connaît, a vu à une vitrine de l'avenue de l'Opéra une toile signée Trouillebert tout à fait comme ça. Aussi, en vous la laissant pour 10 francs. » 10 francs, c'était le prix qu'à ma première exposition de Cézanne, je demandais pour une petite étude qui représentait un pot de confiture. Je dois ajouter que le client ne marchanda pas. Mais je n'eus pas autant de chance avec d'autres œuvres de Cézanne, notamment 3 grandes toiles montrant chacune un paysan et devant lesquelles un visiteur s'était attardé. « On reconnaît bien nos paysans du Midi, » fit-il en se tournant vers moi. À quelque temps de là, j'appris que cet amateur devait arriver le lendemain matin à Paris par le train de 8 heures. Au milieu d'une bourrasque de neige, dès 8h moins le quart, j'arpentais le quai de la gare de Lyon, inspectant les arrivants. Enfin, j'aperçois mon homme, je l'aborde et, peu à peu, j'en vins à lui parler de mes Cézanne et lui offris tous les 3 pour 600 francs. Je ne m'attendais guère à acheter des tableaux à la descente du train, me répondit-il. Tenez, je suis en disposition de faire des folies. Je vous en donne 500 francs. Les tableaux m'étaient comptés 540 francs. Je maintins donc mon prix, mais le client restant sur son offre, je ne vis pas la couleur de son argent. Et même quand ce bienheureux argent sort de la poche de l'acheteur, même quand il vous le tend, on ne peut pas encore dire qu'on le tient. C'est si facile à une main de se retirer. J'avais vendu, à ma première exposition de Cézanne, un magnifique paysage pour 400 francs. Il y avait dans cette toile tout ce qui peut plaire à l'amateur. Une rivière, une barque avec des gens dedans, des maisons dans le fond, des arbres. « Enfin !» s'était écrié l'acheteur. « Voilà une toile composée !» Prenant son portefeuille, il en tire 4 billets de 100 francs et me les tend. J'avance la main. À ce moment, la porte de mon magasin s'ouvre. Au bruit, le client se retourne. Il reconnaît un de ses amis. « Je viens d'acheter ce tableau à Vollard. »« Vous avez bien fait, » dit le nouvel arrivant. « C'est une des meilleures toiles de Cézanne. C'est de l'époque où il subissait l'influence des impressionnistes. » L'acheteur, sursautant. « Moi qui en ai de si beau, je ne peux pas mettre à côté un tableau d'élève. » Et les billets de banque réintégrèrent le portefeuille. Or, quelques jours plus tard, comme on prononçait mon nom devant cet amateur, quelqu'un me rapporta qu'il s'était écrié « Ah, l'autre jour, il a bien failli m'avoir, ce sacré Vollard. Sans un hasard providentiel, il me collait un souguillot aux mains. » Les Cézanne ayant un peu monté, M. Pellerin acquit la toile pour 700 francs. 25 ans plus tard, à propos de ce même tableau, il me disait « Un de vos confrères a cherché à me refaire. Croyez-vous qu'il a eu le toupet de m'offrir froidement 300 000 francs pour ce Cézanne-là » Le docteur Gachet m'avait signalé toute une collection de daumiers chez un petit menuisier de Pontoise. Ce brave homme, en paiement d'un travail, avait accepté de Madame Daumier quelques études auxquelles la veuve de l'artiste n'avait attaché aucune valeur. Il y avait là, entre autres, si j'ai bonne mémoire, la salle d'attente, qui est aujourd'hui au musée de Lyon. Le possesseur de ces chefs-d'œuvre les laissait sous une commode. Vous comprenez, ça prend de la place. C'est pas très grand chez moi. J'ai une armoire, j'ai une belle glace que j'ai achetée en me mariant, et puis le portrait de ma femme fait avec ses cheveux, et un joli tapis ancien. Mais oui, très ancien, c'est ma grand-mère qui l'a brodé. Enfin, même si j'avais de la place, je ne mettrais au mur que des choses qui font plaisir à regarder. Un jour, je me hasardai à lui demander pourquoi il ne se défaisait pas de ses toiles, puisqu'elle l'embarrassait. « Dame, répondit-il, il faudrait d'abord que je trouve un amateur. » Je vis tout de suite qu'une offre, venant directement d'un marchand, le mettrait en défiance. Sur le moment, je n'insistai pas, me promettant de revenir plus tard, car je croyais ces tableaux tout à fait ignorés. Mais il n'est trésor si bien caché qu'il ne soit à la fin découvert. Je ne sais comment un marchand eut vent de la chose. Pressentant, lui aussi, la difficulté de conclure lui-même, il eut une idée de génie. Il habilla somptueusement son commis. Il loua une belle calèche à deux chevaux et il se rendit chez le menuisier. « Je vous amène un des rois de l'Amérique, » lui dit-il. Devant les daumiers, le compère prononça. « 10 000 !» Comme le menuisier tardait à répondre, le faux Américain fit semblant de regagner sa voiture. Aussitôt, l'offre fut acceptée. Ce prix, qui devait être, dans l'avenir, plus que centuplé, dépassait déjà et de beaucoup la somme qu'avait touchée Madame Daumier quand elle vendit, quelques années auparavant, un important lot d'études de son mari, une pleine voiture de déménagement pour 1 500 francs. Je me rappelle qu'à cette époque, un journal protesta contre ce scandale d'une veuve d'artiste dépouillée si odieusement. Or, après avoir promené son butin un peu partout, l'acheteur avait été très heureux de le liquider en rentrant simplement dans ses 1 500 francs. Lorsque je fus mise au courant du stratagème qui réussit si bien à mon confrère, je me dis « La prochaine fois qu'il m'arrivera de tomber sur un vendeur méfiant, j'habillerai mon concierge en gentleman. » Mais on ne fait pas toujours ce qu'on dit. Un jour, j'allai voir M. Gustave Geffroy. « À propos, Volard, me dit-il, qu'est-ce que valent mes Cézannes aujourd'hui ?»« Eh bien, celui-là que vous avez payé il y a 5 ou 6 ans, 300 francs, vaut bien dans les 3 000 francs. »« Vraiment ?» Je continuai mon inventaire. Au total, ça fait 35 000 francs, bien entendu sans votre portrait. Si vous êtes disposé à vendre, je suis preneur. Vendre mes Cézannes, cette seule pensée me déchire le cœur. Enfin, lui dis-je, si un jour vous vous décidez, donnez-moi la préférence. Il semblait souffrir réellement. Vous êtes marchand, gémit-il, vous ne voyez qu'une chose, acheter pour revendre. Moi, on m'offrirait un sac plein d'or. » Quelque temps après, un de mes confrères entendit parler des Cézannes que possédait Geffroy. Pour enlever l'affaire, il envoya chez lui un homme du monde, du vrai monde, un prince. Avec la familiarité condescendante des grands seigneurs, celui-ci demanda à Geffroy s'il ne voudrait pas lui vendre ses tableaux. L'écrivain, que son républicanisme intransigeant n'empêchait pas d'être ébloui par la vue d'une altesse, lui énonça en balbutiant le prix de 35 000 francs que je lui avais indiqué. L'affaire conclue, dans son trouble, Geffroy laissa partir, en plus, le plus important de ses Cézannes, ce portrait que je n'avais pas compris dans mon estimation. Je sentais, me dit un jour Cézanne, ce qu'il fallait mettre pour amener cette toile au point que je voulais. Mais pendant la pause, Geffroy me parlait tout le temps de Clémenceau. Alors j'ai plié mon bagage et j'ai filé à Aix. « Clémenceau n'est donc pas votre homme ?» demandai-je. « Écoutez un peu, monsieur Volard, il a du temperamente. Mais moi, qui suis faible dans la vie, j'aime mieux m'appuyer sur Rome. » Gustave Geoffroy n'était pas seulement le critique d'art collectionneur qui avait su voir quel grand peintre était Cézanne. Journaliste, romancier, il s'était fait une clientèle dans les milieux socialistes avec son livre « L'enfermé » consacré à Blanqui. Et c'était aussi par la parole que l'écrivain se faisait l'apôtre du vieux révolutionnaire. Un jour, j'étais allé le voir à la manufacture des Gobelins dont Clémenceau l'avait fait nommer directeur. « C'est l'heure du repos des ouvriers. Monsieur le directeur doit être à causer avec eux », me dit le concierge. En effet, dans un des jardinets mis à la disposition du personnel, je trouvai Monsieur Geoffroy qui s'entretenait familièrement avec un des tapissiers en train de repiquer ses salades. La causerie avait dû porter sur Blanqui, et son interlocuteur avait vraisemblablement écouté d'une oreille distraite ce que l'auteur de L'Enfermé lui apprenait de la vie de son héros. Ses luttes, ses prisons, car, en arrivant, j'entendis ces mots de l'ouvrier. Ah, je vois ce que c'est que ce Blanqui. Encore un profiteur qui savait se faire mettre en tôle pendant que les couillons se faisaient casser la gueule. Une des figures les plus pittoresques du monde de la brocante, c'est ce Salvator Meyer, que Forain, dans une de ses lithographies, représente tenant dans ses mains un tableau apporté par une vieille femme. Petit et rondouillard, coiffé d'un bonnet grec, chaussé de pantoufles que lui brodait sa femme, dans sa boutique au milieu de ses clients, Salvator allait, venait et parlait. Tout en donnant des soins attentifs aux clients sérieux, il ne dédaignait pas l'acheteur qui n'avait à dépenser qu'une pièce de 10 francs. Avec ça, très arrangeant. « La marchandise est faite pour circuler », tel était son dicton favori. Un jour, j'avais déniché dans un de ses cartons une charmante page de Villette où l'artiste avait dessiné 4 sujets différents. Je reluquai cette pièce en attendant d'avoir les 45 francs nécessaires pour pouvoir l'acquérir. Ce jour arriva enfin, mais ce n'était pas sans quelque appréhension que j'allais pour revisiter le carton. Or, au moment où je l'entrouvrai, « J'ai quelque chose pour vous, » dit Meyer à un client. « J'ai là 4 Villettes, des petits bijoux que je viens d'acheter. C'est une occasion. 300 francs. » « Ils sont charmants, en effet, » dit l'autre après les avoir regardés. « Mais dites donc, Meyer, il me semble que je les ai déjà vus dans un de vos cartons, ces Villettes-là. Seulement alors, ils étaient sur une seule page et ils étaient marqués 45 francs. « C'est parce que vous les avez séparés que vous m'en demandez maintenant 300 ?»« Ah, c'est un peu raide, » fit Meyer qui, dans son saisissement, laissa tomber un des Villettes. Ah, le bougre, ce qu'il a dû rigoler de m'avoir refilé au comptant et au prix fort de la marchandise qu'il m'avait achetée et qui n'est même pas encore réglée. Triple couillon que je suis. Après tout, c'est bien fait pour moi. Cela m'apprendra à laisser des articles pareils dans mon carton bon marché. De la marchandise qui venait de chez Tapuy. Regardant les dessins, ce sont des Villettes de derrière les fagots. À sa femme. « Il faut monter ça dans la salle à manger. Je les garde pour moi. »« Pardon ?» fit le client. « Vous venez de me les proposer. Je les emporte. »« Et vous avez encore des choses qui proviennent de chez Tapuy ?» fit un autre amateur, M. Manzi, qui était entré sur ces entrefaites. « J'en ai encore par là. Des choses qui ne sont pas à vendre tout de suite. » Quel œil il avait, ce Tapuy. Quand il me dit le prix qu'il voulait de sa collection, je pensais, acheter ça, c'est fou. Mais c'était de la si belle marchandise que je n'ai pas su résister. Le lendemain, les journaux du soir annonçaient qu'après la séance de la bourse, Tapuy s'était tué. Ah, ça m'a fait quelque chose, cette mort. Qui sait, ça a peut-être été une consolation pour le pauvre bougre de laisser en de bonnes mains des choses qu'il aimait tellement. Et son fameux Degas, s'informa M. Manzi. « Vous l'avez toujours ?»« Je crois bien. Une pièce unique, » fit Meyer. Et, montant le petit escalier en colimaçon qui conduisait à son entresol, Meyer en redescendit avec son Degas dans les mains, des mains qui tremblaient d'émotion. M. Manzi ne tarit pas d'éloges, mais se garda de faire aucune offre. Depuis lors, chaque fois qu'il se revoyait, « Hein, mon Degas, magnifique !» Et puis, Manzi parlait d'autre chose. Si bien que ce fut Meyer qui vint lui-même, un jour, offrir le tableau à Manzi. « Ce qu'il faut dans le métier, me disait souvent Meyer, c'est de la décision, savoir saisir l'instant où la marchandise a atteint son maximum. » Néanmoins, il arrivait à Meyer de se tromper, tout comme un autre. Mais ce qu'on ne pouvait lui dénier, c'était l'esprit de reparti. Un jour que j'étais dans sa boutique, voilà qu'entre un grand et gros homme, un certain Larandon, qui se faisait remarquer par des costumes un peu trop voyants, et à qui on ne connaissait pas de moyens d'existence bien définis. Généralement jovial, il avait ce jour-là l'air sombre. « Dites donc, Meyer, » fit-il à brûle-pourpoint, « il paraît que vous m'avez traité de macro. » « Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? » fit Meyer en levant la tête. « Un tel m'a dit qu'en parlant de moi, vous dites toujours ce maquereau de Larandon. » « mais non, ce n'est pas ça !» fit Meyer en lui tapant sur le ventre. « Je dis ce gros maquereau de Larandon. » « Ah, du moment que vous dites ça en copain !» Quand je pense à la rue Lafitte, je ne revois pas seulement des tableaux. Je me rappelle, par exemple, en face de Durand-Ruelle, l'ancienne demeure de la reine Hortense, qu'une société immobilière devait acquérir pour construire à la place des maisons d'habitation. Pendant que les démolisseurs s'attaquaient à l'hôtel, les journaux, en même temps qu'ils dénonçaient le scandale de la destruction d'une demeure historique, montraient ces mêmes vandales vendant au poids les boiseries anciennes qui garnissaient les murs. Il n'en fallut pas plus pour attirer antiquaires et amateurs. Moi-même, j'avais mordu à l'appât. Les protestations insérées dans les journaux n'étaient qu'un coup de publicité. Je m'étais rencontré, au milieu des décombres du palais, avec un marchand de meubles d'occasion qui avait sa boutique en face de la mienne. On le voyait toujours sur le pas de sa porte, regardant à droite et à gauche, comme s'il attendait quelqu'un. Je finis par lui dire « Est-ce que la rue Lafitte convient bien pour un commerce comme le vôtre ?»« Oh !» me répondit-il, « ce n'est pas le client que j'attends, c'est l'expropriation. » On parlait de cela, en effet, depuis les beaux jours du Second Empire, et la disparition du palais de la reine Hortense pouvait donner à penser que la pioche du terrassier allait enfin entreprendre l'achèvement du boulevard Haussmann. Le temps avait beau passer, rien ne décourageait le marchand de meubles dans son attente. Mais, à la place de l'ange expropriateur, ce fut le concierge de l'immeuble, devant qui il se peignait constamment de la difficulté de trouver un autre local, aussi bien situé, qui se précipita, un matin, chez lui. « Eh bien, vous pouvez vous vanter d'être verni. Je viens de voir le tracé définitif. Vous n'êtes pas touché. » La rue des tableaux, aujourd'hui, ce n'est plus la rue Lafitte. Il arriva qu'un marchand de tableaux modernes, M. Jos Essel, qui avait voulu s'y installer après son départ de l'avenue de l'Opéra, ne trouva pas de boutique à louer. Il dut chercher ailleurs et, finalement, loua rue de la Boétie. Ses affaires ayant prospéré, peu à peu le suivirent d'autres confrères, et la rue La Boétie est devenue ce qu'était jadis la rue Lafitte, le marché de la peinture. Comme autrefois on allait rue Lafitte voir les expositions de Durand-Ruelle, on va aujourd'hui rue La Boétie voir celle qu'organise Paul Rosenberg. Moi-même, après la guerre, je dus émigrer. L'immeuble de la rue Lafitte, dont j'occupais une boutique, allait céder la place à une banque. D'autre part, la maison située 28 rue de Gramont, où j'habitais depuis plus de 20 ans, devait être démolie. Je pris alors un grand parti. Je résolus de réunir dans le même local ma galerie de tableaux, ma maison d'édition et mon habitation personnelle. Je me mis donc à la recherche d'une demeure appropriée. À première vue, la tâche était d'autant plus difficile que, par une sorte de superstition, je voulais trouver un immeuble portant le même numéro que celui de mon ancien domicile. À La Réunion, au temps de mon enfance, il eût paru très simple, quand on déménageait, d'enlever le numéro de la maison que l'on quittait, surtout si ce numéro était gravé sur une plus belle plaque que celle du nouveau logis. Mais en France, et à Paris notamment, le numérotage des immeubles est soumis à l'ordre des nombres, et jamais l'administration n'y tolérerait la fantaisie que réalise, dans la succession des numéros sortants, le tirage d'une loterie. Or, il arriva que la première maison qu'on m'offrit fut un hôtel de la rue de Martignac qui portait précisément ce numéro 28. Je ne m'en étonnais nullement. C'était ma chance qu'il l'avait voulu ainsi. Bref, voilà 14 ans que je suis installée rue de Martignac et, chaque jour depuis 14 ans, je projetais d'organiser des expositions dans mon hôtel. Aujourd'hui, j'ouvre une exposition de Degas. Il s'agit d'œuvres des dernières années de la vie de l'artiste, de ces œuvres dont Renoir disait « Si Degas était mort à 50 ans, il aurait laissé la réputation d'un peintre excellent, sans plus. C'est à partir de 50 ans que son œuvre s'élargit et qu'il devient Degas. »